J'ai pas d'affaire à t'acheter un PC. Si t'es pas capable de t'en acheter un tout seul, tu vas marcher encore longtemps, longtemps. Je ramasserai pas les vins dans les champs juste pour te faire une tarte ou une quelconque pâtisserie. T'es capable de t'en faire une toi-même. Fais-le toi-même. Je suis pas trop chaud à l'idée. Fais de toi-même.